Bonjour et bienvenue sur Sapeur-Suit Parademeure, le podcast du 17e régiment du génie parachutiste. À chaque épisode, découvrez le parcours d'un de nos sapeurs parachutistes. Aujourd'hui, je suis avec l'adjudant-chef Geoffrey, EOD. Bonjour mon adjudant-chef. Bonjour lieutenant. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, je suis l'adjudant-chef Geoffrey. Cela fait 3 ans que je suis au 17e RGP. Sinon, j'ai 22 ans de service, donc je suis un sous-officier direct. J'ai fait ma scolarité à Saint-Maixent-l'École, un cursus de formation à l'école du génie et ma première affectation au 6e régiment du génie, où j'ai fait le gros de mon travail en tant que chef de groupe en section de combat, puis après sous-officier adjoint en section de combat, avant de rejoindre Saint-Maixent-l'École en tant que formateur génie pendant 3 ans, puis rejoindre et revenir dans le sud-ouest où là j'ai rejoint le 31e régiment de génie de 2012 à 2020 en tant qu'équipier EOD, et puis depuis 2020 heureux de servir au 17e RGP et à la section EOD. Alors qu'est-ce qu'être EOD en fait? Alors l'EOD, donc, c'est un acronyme anglophone que l'on peut traduire en tant qu'élément opérationnel de déminage et de dépollution. Voilà, on va dire que c'est vraiment l'acronyme qui s'en rapproche le plus. Ce sont des personnes qui sont qualifiées pour intervenir sur différentes menaces, des menaces que l'on appelle un peu de haut de spectre, c'est-à-dire que ce sont des menaces qui vont dépasser le cadre de certaines compétences que peuvent avoir nos sapeurs et nos cadres au sein du régiment. Et à ce compte-là, on fera appel donc aux EOD, donc pour intervenir, que ce soit sur de la munition et sur une menace conventionnelle, mais également sur tout ce qui peut être improvisé, ce qui va faire surtout référence au terrorisme. Donc, on pense souvent à un véhicule piégé, à un colis, à une valise, de nombreuses choses. Mais également un spectre qui est un peu moins connu, mais ça va être l'intervention également sur tout ce qui serait chargé non conventionnellement, c'est-à-dire à partir des matières type nucléaire, bactériologique, chimique. Et comment on devient EOD? Alors le parcours EOD, à l'heure actuelle, maintenant, il se fait... le vivier reste les cadres qui servent en compagnie de combat. Et donc dans les cadres des compagnies de combat, les gens qui sont intéressés par cette filière vont se faire connaître et vont commencer à passer certaines qualifications qui vont leur permettre d'accéder derrière à cette spécialité. Donc c'est un parcours qui se fait sur plusieurs années, généralement, puisque ça va être échelonné de différents stages pour pouvoir après occuper ces fonctions. Et alors vous, est-ce qu'il y a un stage ou une formation, par exemple, qui a été un peu plus compliquée qu'une autre, ou une anecdote pendant votre parcours de formation ? Alors, la formation, on a vraiment ces 3 domaines-là dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment 3 stages qui, au bout du compte, nous permettent de pouvoir travailler sur ce spectre, cette largeur de spectre. Mais c'est vraiment 3 stages bien différents. On va dire que le stage qui est quand même le plus caractéristique ou le plus emblématique à mon goût, ça reste le stage où on nous prépare à intervenir sur tout ce qui va être menace improvisée, puisque là on apprend également à comprendre, à concevoir, et derrière pour pouvoir neutraliser plus facilement et de manière plus efficace et en sécurité toute menace que l'on pourrait rencontrer sur le territoire national ou en opération. Et quand vous vous êtes engagé, donc il y a maintenant 22 ans, est-ce que vous aviez déjà l'envie ou pas d'être EOD? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu un démineur? Oui, j'ai envie de dire depuis quasiment le début. En fait, j'ai découvert réellement cette fonction lors de mon stage en corps de troupe que j'avais réalisé au 6e régiment du génie avant d'être affecté. Et donc, on avait eu la chance d'avoir la présentation de la section EOD du 6e RG à l'époque. Même ces quelques heures passées chez eux, à voir le matériel, à voir un peu dans quel cadre ils travaillaient, c'est déjà le premier déclic qui a fait que je me suis dit, dans quelques années, si je peux atteindre ça, je serai très satisfait. Ouais. Et ma foi, j'ai réussi. Et qu'est-ce qui vous avait donné envie, du coup, quand vous avez découvert C'est un travail qui se fait certes en petite équipe. Le travail de base en EOD, c'est donc une équipe en opération, par exemple. On est sur un très faible volume puisqu'on est quatre. Sur les quatre personnes, vous avez deux démineurs et puis deux auxiliaires qui sont là pour nous appuyer. Ce qui est vraiment, voilà, c'est vraiment ce travail en équipe, en petite équipe, où la confiance elle est totale, puisque concrètement on va travailler à tour de rôle sur la menace, et puis on doit avoir une totale confiance en son binôme, puisque il va nous aider, nous appuyer sur une intervention, le lendemain ça sera l'inverse. Enfin, voilà, c'est vraiment ce travail de petite équipe et de confiance mutuelle qu'on peut avoir. Ça fait partie des critères et des choses qui font que ça rend également cette spécialité, je trouve, pour moi, attrayante. Ouais. Alors, vous venez de nous parler d'opérations. Quelle mission vous avez faite en tant que EOD ? J'ai eu la chance de brosser essentiellement de nombreux pays africains et également au Moyen-Orient. Réellement projeter mes premières projections en tant qu'EOD datent depuis début 2013, donc ça fait 10 ans que j'ai la chance de pouvoir partir en mission à l'étranger, donc essentiellement voilà, Afrique, Tchad, Mali, Niger, Burkina Faso, et puis après au Moyen-Orient. Parcourant le désert du Tchad à l'immense horizon, enthousiaste à remplir la mission. Sur la terre africaine, sur la piste minée, la patience est un fidèle allié. Est-ce qu'il y a une mission qui a été particulièrement marquante pour vous ? Marquante, j'ai eu la chance de faire à chaque fois des missions qui ont été totalement différentes, même si à la base on fait le même métier en permanence, mais à chaque fois elles ont été différentes parce que un contexte, parce qu'une situation géopolitique différente. Donc vraiment une chance. Est-ce qu'il y en a une vraiment qui m'a marqué ? Ouais, donc que des bons, que des souvenirs. Des bons souvenirs. Que ce soit sur la première fois où je interviens, on n'est plus en exercice, et puis cette fois-ci, c'est pour de vrai, donc mon premier EOD neutralisé. Mais ça peut être, comme dernièrement, de l'intervention sur un véhicule qui était, où il y avait de nombreux civils qui a malheureusement explosé, qui a roulé sur un engin explosif improvisé, donc où il y a eu de nombreuses pertes. Donc ça marque aussi, mais de nombreuses... de nombreuses situations qui ont fait que à chaque fois c'était différent et ça rendait la mission différente mais tout aussi attrayante. Et justement, comment on se prépare à potentiellement vivre de telles missions, puisque j'imagine que ça demande un entraînement, un sang-froid, une concentration énorme. Comment on se prépare à ça ? La préparation, alors je pense que le fait déjà de malgré tout, d'avoir un peu d'expérience, que ce soit ne serait-ce que parce qu'on avance dans l'âge et autres. Je ne dis pas que c'est ce qui fait tout, mais ça permet quand même de prendre plus facilement du recul. Le fait aussi, à la base, que ce soit une spécialité où on y accède sur volontariat, c'est parce que déjà, on pense avoir peut-être des prédispositions qui vont peut-être nous permettre de pouvoir surmonter certaines situations. Même si tant qu'on ne les a pas vécues, il est difficile de savoir comment on réagira. Mais comment on s'y prépare ? Déjà, à partir du moment où techniquement on pense être au top, parce qu'on s'entraîne régulièrement, parce qu'on met en œuvre de nouveaux matériels, parce qu'on se tient au courant de la menace et de son évolution, on sait que déjà techniquement on s'y prépare et on va réduire au maximum ce facteur de découverte lors d'une intervention. Et donc, forcément, on va gagner en sérénité, et donc en efficacité et en sécurité. Et pour vous, quelles sont les qualités que doit avoir un bon EOD ? Vous en avez parlé déjà tout à l'heure, mais effectivement, donc c'est un sang-froid. Essayer d'avoir, j'ai envie de dire, de réussir à à garder son calme et éviter de se faire submerger par certaines émotions. Alors, c'est pas forcément évident, mais voilà, pour rester concentré et vraiment, entre guillemets, focus sur la mission, et puis bon, quitte à y réfléchir par la suite. L'écoute, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, le noyau, enfin la base du travail en EOD, c'est le binôme. Et si vous êtes avec un binôme où ça se passe pas bien, où il n'y a pas d'écoute, peut-être exagéré, mais si vous avez quelqu'un qui va écraser son binôme, c'est quelque chose qui ne sera pas bon à long terme, puisqu'on peut se retrouver à se mettre en danger parce qu'il n'y a pas d'écoute. On ne va peut-être pas entendre le conseil que va nous donner son collègue. Et peut-être c'est le conseil qui nous sauverait la vie. Donc l'écoute, ouais, c'est très important. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, hein? Faut pas être... Alors, c'est peut-être paradoxal, mais il ne faut pas être... Faut pas être un casse-cou, faut pas être un casse-cou. Enfin voilà, faut être posé. Parce que c'est vrai que on se dit qu'il faut être un peu tête brûlée un peu pour faire ce genre de métier, alors qu'en fait de ce que vous nous dites, c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de maîtrise de soi pour justement pouvoir soit faire les bons gestes ou prendre les bonnes décisions au bon moment. Tout à fait. La maîtrise de soi, c'est même une des devises en latin que l'on retrouve chez les EOD. Effectivement, c'est un trait de caractère qu'il faut essayer d'avoir au maximum pour être efficace. Ouais. Outre les missions en opération extérieure, est-ce que vous pouvez être amené à faire d'autres types de missions ? Tout à fait. Donc la section OD au régiment, elle arme en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le long de l'année, une astreinte territoriale. Donc là, vous avez un binôme d'intervenants. Donc un binôme DOD accompagné d'un auxiliaire qui sont sur astreinte téléphonique et en mesure de rejoindre un lieu d'intervention sous 2 heures de temps, de jour comme de nuit. Donc notre zone de prédilection, ce sont les emprises militaires de toute une zone, on va dire, qui s'étale de l'Ariège, frontière espagnole Ariège, et on remonte jusque la Courtine. Donc voilà, vous avez toute une enfilade, j'ai envie de dire, de départements qui sont sous notre responsabilité. Et lors de découvertes, alors bien souvent c'est de la munition historique qui va être découverte sur des camps militaires par exemple, où on fera appel à nous. Cette année, j'ai envie de dire, est une année faste pour la section, puisqu'on est déjà à 8 interventions depuis le début de l'année. Donc ce qui est un rythme d'après les plus anciens ou d'après les archives, on n'avait pas été encore atteint. Donc de nombreuses munitions ont été retrouvées, traitées, donc une menace qui a été enlevée, soit découverte par notamment les troupes de manœuvre lors de Orion 2 sur Castres par exemple, mais également les gens de l'ONF qui travaillent, donc l'Office national pardon, des forêts, qui travaillent sur les camps militaires, ou des chasseurs ou autres qui nous font remonter ces découvertes. Et donc on va les traiter. On peut être amené également à intervenir en secteur civil en appui des forces de sécurité si le préfet demandait, puisqu'on peut être soumis à réquisition préfectorale. Voilà, on ne sait pas, on espère pouvoir être engagé et appuyer les forces de sécurité intérieure, notamment pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est des choses qui avaient déjà été réalisées en 1998 pour la Coupe du Monde, où les services de déminage des armées avaient été réquisitionnés pour appuyer cette grande manifestation sportive. Et quand vous dites par exemple des munitions historiques, de quelle époque et découvertes comment en fait? Parce qu'on se dit que c'est un peu curieux de découvrir des années, des décennies j'imagine plus tard. Comment ça se passe en fait? Tout à fait. Mais là, si on fait une moyenne des dernières munitions traitées, ben notamment sur le camp du COS à Castres, on est sur des munitions qui varient, sur des modèles entre 1870 et Première Guerre, donc 1915. Donc vous êtes sur des munitions qui ont entre un siècle et quasiment un siècle et demi. Ouais. Et justement, est-ce que c'est dans le cadre de vos stages, de vos formations, que vous êtes en capacité de savoir en fait quelles sont ces munitions, par exemple ? Tout à fait. En fait, le cursus de formation, on a notamment toute une partie où on va vraiment apprendre à essayer d'identifier le type de munitions que l'on a face à nous. S'il s'avère, parce que même si lors des stages, on apprend une quantité relativement conséquente de munitions, à les reconnaître, à les identifier, à connaître leurs dangers ou leurs spécificités, si on ne la connaît pas à l'instant T, on va être en mesure de pouvoir rapidement, grâce aux bases de données que l'on peut avoir et autres, de pouvoir retrouver rapidement le type de munition afin d'en déduire sa dangerosité et comment la traiter. Donc c'est vraiment, si je peux rebondir sur cet aspect-là, de comment on peut arriver au bout de 150 ans à dire, à identifier de suite le modèle et comment je vais la traiter. En fait, ça va être déjà une question d'habitude parce que vous avez certaines régions où on va retrouver plus facilement tel type ou tel type de munition. Avec l'expérience, on sait comment la traiter et à quoi elle ressemble et on l'identifie rapidement. Donc c'est intéressant aussi de travailler sur la munition historique. Tourné vers l'avenir, fidèle à ton glorieux passé, ton drapeau fait toute ta fierté. Guerre, chaîne d'Ogine, hommage à tes anciens, derrière tu poursuis le chemin. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, au 17e RGP, on a une salle qu'on considère, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on utilise le mot de musée, mais c'est une salle donc, qui regorge de munitions. Quelle est son utilité en fait pour vous ? Alors, cette salle que vous appelez musée, effectivement, nous on l'appelle, c'est une collection de travail. C'est le fruit de nombreuses décennies, de plusieurs décennies de collecte, d'échanges avec les autres sections ZOD des autres régiments. Le but étant d'avoir vraiment une collection qui nous permette de s'entraîner, alors de s'entraîner à l'identification, de s'entraîner à certaines méthodes de neutralisation, pourquoi pas. Alors elle nous sert à nous, mais elle sert également et surtout au cadre du régiment qui en fait l'utilise régulièrement avec leurs sapeurs pour venir réviser, venir revoir certaines familles de munitions. Lors d'une préparation avant projection, ils savent qu'ils vont aller sur tel théâtre d'opération. Ils ont déjà pris connaissance du type de pollution et des munitions qu'ils sont susceptibles de rencontrer. Donc là, ils viennent, ils profitent de la collection pour la voir réellement, à quoi elle ressemble, quelle taille, quel volume, enfin voilà, les couleurs que l'on peut retrouver, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est vraiment un outil qui sert à tout le monde. Alors certes, on détient les clés, mais c'est vraiment un outil au profit de tous. Et même au-delà, puisque bien souvent, on a l'honneur d'accueillir de nombreuses délégations civiles ou militaires. Bien souvent, le passage par la collection de travail est un passage incontournable quand ces personnes-là viennent au régiment. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez du travail en binôme lorsque vous intervenez sur un IED. Comment ça se passe, ce travail en binôme ? Alors, c'est sans rentrer dans le détail, mais je veux dire, un déroulé classique, c'est effectivement, bien souvent, on n'est pas sur place quand la menace est découverte. On va être plus ou moins loin, mais on sera rarement... C'est pas nous qui allons découvrir la menace. Bien souvent, ce sont les sections du régiment qui, lorsqu'elles sont projetées, lorsqu'elles font leur mission, c'est elles qui découvrent la menace. Et à ce compte-là, elles nous appellent. Et donc, on intervient dans ce cadre-là. Et donc, on va, voilà, ça va être déjà premier échange avec le chef de groupe ou le sous-officier adjoint de la section qui a découvert la menace, prendre le maximum d'éléments. Et puis après, une fois qu'on pense avoir vraiment compris et défini l'objet, on va réfléchir à deux, à quelle approche, quelle technique, quelle procédure, quel matériel on va mettre en œuvre pour pouvoir traiter, j'ai envie de dire, en sécurité, mais également le plus rapidement possible cette menace-là. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous avez une chaîne hiérarchique qui va, par exemple, vous dire oui, vous pouvez, non, vous ne pouvez pas, ou est-ce que vous êtes totalement autonome sur la manière dont vous souhaitez aborder cette intervention ? Alors en fait, effectivement, comme c'était, je crois, le sujet de mon intro, l'EOD étant, on va dire, traitant le haut du spectre, on a cette capacité-là à avoir et à définir nous-mêmes nos propres procédures d'intervention. Que ce soit sur de la munition conventionnelle que ce soit sur de l'engin explosif improvisé. En fait, on a, on va dire, un panel de matériel, un panel de procédures qui vont permettre de pallier à l'ensemble des situations. Et en fait, c'est en ayant ce réservoir, entre guillemets, de techniques et autres, en tête, et dire, OK, ben, je vais piocher telle technique, je vais piocher telle procédure pour pouvoir m'occuper de cette IED-là, par exemple. Alors, quand, personnellement, je pense à une intervention comme potentiellement vous pouvez le faire, tout de suite, je vais m'imaginer la grosse combinaison, comme le bibendum. Qu'est-ce que c'est que cette combinaison qui vous arrive d'utiliser ? Donc, cette combinaison, effectivement, donc c'est, on appelle ça la tenue lourde d'intervention, donc la tenue lourde de déminage. C'est une tenue qui va nous permettre de pouvoir intervenir sur de l'engin explosif improvisé. Elle va être mise en œuvre lorsque l'on va déduire que effectivement celle-ci va nous apporter de la protection, parce que là où on va intervenir, on a la place, les conditions météo s'y prêtent. Enfin, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a cette capacité là et de pouvoir dire, OK, je préfère peut-être réduire ma protection pour pouvoir gagner en aisance, parce que je vais aller dans un endroit un peu plus confiné, parce que je vais intervenir sous un véhicule, parce que je vais passer dans un endroit vraiment très confiné, parce qu'il fait 45 degrés à l'ombre. Enfin, en fait, en prenant en compte tous ces facteurs-là, on va dire, OK, je porte la tenue, je ne la porte pas. Effectivement, si je la porte, ça va être une tenue qui va, certes, qui présente certains inconvénients de par son encombrement, de par l'absence de souplesse, j'ai envie de dire, et le fait qu'on est sur quelque chose qui fait que le corps va respirer, on va dire l'échange thermique va mal se faire. Donc on monte rapidement en stress thermique, même par des températures négatives, vous êtes très très rapidement en sudation à l'intérieur de la tenue. J'imagine. Donc c'est voilà. Mais ça reste un outil, un des matériels majeurs, emblématique en plus, mais un des matériels majeurs de nos matériels que l'on a aussi bien en opération que sur le territoire national. Est-ce que vous utilisez également les nouvelles technologies ? Je pense par exemple à des robots, à des drones. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans vos procédures ? Tout à fait. Bon, la robotique dans le déminage, ça fait de nombreuses décennies qu'elle existe. Parce que les premiers ancêtres de robots de déminage datent de bien 30 ou 40 ans. Donc la robotique dans le déminage, est, on va dire, voilà, elle n'est pas à ses prémices. Donc les robots, on en a, effectivement. L'appui drone est plus récent, mais a une plus-value qui est énorme. Ça, c'est sûr. C'est vraiment, voilà. Maintenant, dès qu'on peut, notamment en opération, on se fait appuyer par du drone. Nos auxiliaires sont formés pilotes drone. C'est vraiment un outil qui nous permet de rapidement pouvoir faire de la reconnaissance, rapidement prendre en compte la situation, l'environnement immédiat du lieu de l'incident et de pouvoir travailler malgré tout en sécurité, puisque ça nous permet vraiment d'avoir une vue du dessus et de prendre en compte des choses peut-être que l'on n'aurait pas vues depuis le sol, quoi. Donc c'est vraiment la nouvelle technologie, drones et robotique sont utilisées dès que possible sur nos interventions. Et alors, est-ce que vous pensez potentiellement qu'un jour un robot pourrait remplacer un EOD dans le cadre d'intervention ? C'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, en ce moment, à l'heure actuelle, on va faire de plus en plus de travail effectivement avec le robot. On arrive à avoir des robots, c'est pas le cas avec le nôtre actuellement, mais on a des robots où on se rapproche limite de la robotique de chirurgie, où on arrive à avoir des gestes très très très très précis, avec des mouvements qui étaient jusqu'à présent réservés qu'à l'homme. Donc on s'en rapproche maintenant, à ma connaissance, à l'heure actuelle, même le dernier robot de dernière génération, dans certaines situations, n'arrivera pas à finaliser le travail et c'est l'homme qui devra terminer ce travail de neutralisation pour pouvoir démanteler un IED par exemple. Et justement, là on voit tout le risque que vous prenez à chaque intervention. Qu'est-ce qu'on se dit quand, par exemple, vous êtes déclenché sur une intervention ? Alors, lorsqu'on est Il y a vraiment les deux cas qui caractérisent le boulot, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur le territoire national, est-ce qu'on est en opération. L'opération, c'est, j'ai envie de dire, c'est différent dans le sens où, en fait, déjà, à partir du moment où on est projeté, on sait que ça va travailler. Donc, il y a moins de surprises. Voilà. Même si il peut y avoir des périodes plus ou moins calmes, malheureusement. Mais voilà, on sait que ça va travailler. Donc, lorsque ça se déclenche, beaucoup moins de surprises. Lorsqu'on est en territoire national, lorsque ça déclenche, bon, ben voilà, pendant les, j'allais dire, en journée, sur de la munition, voilà, bon, on sait qu'on va partir. C'est quelque chose. Il n'y a pas un degré d'urgence très élevé. C'est pour si on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est peut-être une mission où ça fait 120 ans qu'elle est enterrée. Bon, elle n'est plus à 2 heures près, j'ai envie de dire. Et donc, elle sera traitée dans la journée, il n'y a pas de souci. J'ai eu l'occasion de ne partir en intervention sur engin explosif improvisé sur le territoire national une seule fois, où là c'est pas pareil. Ouais. Là effectivement, quand on nous appelle, on dit ok, là il y a le sac, faut y aller. Mais là ouais, c'est différent, c'est vraiment typique de la situation, mais ça reste différent de cette partie d'opération territoire national. Enfin, je pense que ça, c'est, chaque EOD le vit différemment, mais en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Ouais. Et justement, face à un métier à risque comme le vôtre, comment on prépare, par exemple, les familles quand vous partez en mission? Les familles, bon, dans les grandes lignes, forcément, elles savent ce que l'on fait. Après, en toute honnêteté, on rentre pas dans les détails. Voilà, c'est, je pense que je vois pas l'intérêt pour quelqu'un qui n'est pas forcément de la partie de rentrer dans le détail et peut-être effectivement générer peut-être encore plus de stress que ce qu'il y en a à la base ou ce qu'on a voulu transmettre ou dire. Donc voilà, ben bien souvent c'est voilà, elle sait de toute façon, voilà, elle connaît le métier. Enfin, je parle pour le cas de mon épouse, par exemple, mais elle connaît le métier, elle connaît les grandes lignes. Bah, elle sait que forcément, quand ça part en intervention, notamment en opération, c'est que, voilà, on va augmenter le risque, oui. Maintenant, voilà, bon, elle sait qu'on fait tout en amont pour que tout se passe bien, et puis voilà. Donc, Tout à l'heure, vous nous avez parlé du coup des missions que vous avez pu faire, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient. C'est quand même des théâtres qui sont, j'imagine, avec une intensité assez importante. Comment, mentalement, vous arrivez à vous reposer? Parce que j'imagine que, mentalement, ça doit être extrêmement fatigant sur plusieurs années de faire ça. Comment vous faites pour, justement, réussir à vous oxygéner? Mais en fait, sur une projection, on va dire, sur une durée environ de 4 mois, où là, oui, là, du stress ou il va y avoir une fatigue peut-être mentale qui va s'accumuler. Donc c'est vraiment le retour France qui va permettre de pouvoir se reposer. Ben on va s'appuyer également sur la famille parce que c'est une recette qui où il y a plein de petites choses, je pense, qui interviennent, qui permettent de se régénérer. Et puis voilà, le fait de reprendre le boulot. Après la mission, de rejoindre ses collègues qui ont pu rester en base arrière, par exemple, où il y a une super ambiance. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'ensemble de choses qui fait que la bonne ambiance au travail, derrière, on va pouvoir partager ce qu'on a pu vivre comme expérience. Le but étant de faire partager pour que si au cas où il tombe dessus, enfin, en fait, on va après la mission, on va en discuter aussi, et je pense que c'est ce qui va permettre de pouvoir. Alors, tourner la page plus facilement, puisqu'on va transmettre ce qu'on a pu vivre comme expérience. Et donc derrière, ben, peut-être hop, passer sur autre chose, penser à autre chose. Et donc, ça, je pense que ça participe également à la récupération et au fait de ne pas rester focus sur des missions qu'on a pu faire au préalable. Pareil, chaque démineur aura sa vision, aura ses petites astuces. Pour récupérer, puis bon, après, les permissions sont nécessaires également à la récup. Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez rencontré quelqu'un, un ancien par exemple, qui vous aurait donné un conseil que, encore aujourd'hui, vous marque et résonne en vous? Oui, j'ai eu la chance de côtoyer certains camarades plus anciens que moi, beaucoup plus d'expérience que moi dans la spécialité, notamment quand j'ai commencé. De conseils, j'en ai eu plein, des conseils. Mais en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas the conseil, mais c'est la somme de détails, de choses qui vont être soit réalisées au quotidien, soit réalisées en opération ou juste après l'opération. Et qui vont faire que derrière, ça va bien se passer, ou on va réussir à rapidement se remettre en route pour pourquoi, au cas où, anticiper une deuxième intervention. Enfin, plein de détails, plein de petits conseils que j'ai pu avoir donc de quelques camarades là qui m'ont vu arriver dans la spécialité. Et vous, à l'inverse, donc maintenant que vous avez 11 ans de OD. Qu'est-ce que vous diriez à, par exemple, un cadre de compagnie de combat qui souhaiterait être OD, ou alors un jeune OD qui n'est pas encore parti sur sa première intervention? Qu'est-ce que vous lui diriez? Peut-être certaines banalités, et après, par contre, surtout, je lui dirais de ne pas hésiter. Voilà, à la moindre question, à la moindre interrogation, que ce soit avant de partir, que ce soit pendant. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit souvent, mais... Et puis après, c'est au quotidien. C'est au quotidien, on va parler de certaines choses, je sais pas, de munitions, de matériel bien particulier. Et puis, bien souvent, c'est les conversations qui vont après dévier, qui vont amener peut-être sur une expérience particulière d'un des équipiers, qui va dire, et puis ça va rebondir comme ça. Et en fait, c'est de faire les plus jeunes qui arrivent à la section, de les mettre en confiance forcément rapidement, de si possible rapidement les faire partir en mission avec un plus ancien pour qu'ils soient qu'ils se sentent déjà en confiance, qu'ils sachent voilà qu'ils peuvent se reposer, c'est vraiment le fait de poser des questions, c'est de dire ah, mais je vais passer pour un idiot si je possède. Non, en fait, pas chez nous, il y a pas de question débile, il y a pas de question bête. C'est vraiment partager le savoir, c'est la base. Si on partage pas le savoir chez nous, c'est criminel en fait. Très bien, merci beaucoup Mlajie en chef pour cet échange, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Sapeur suit par à demeure, le podcast du 17e RGP. À bientôt. Parachutiste, tu progresses loin là-bas, en avant, toujours prêt au